On a les douilles cousses pour faire piger ta tête. Ma clé, le flow charismatique, on vous empoisonne à part un. Sois carriote, 132. On a les douilles cousses pour faire piger ta tête. Ma clé, ready. Ayant ma soupe, c'est l'expression d'un mode de vie socialement violent. Sur un son de flemme, on mijote la sauce avec ce qu'on a. Zaka, ACP, prod, Pélec, ATF, connard. Ici les tensions, dur, moi j'évacue les tensions. Ce qu'on a, c'est pas grand chose, on le met dans le son. 7-8, il règne un climat dur. À 12 ans, je me vantais d'être un type mature. Je vais gagner ma thune. Tous les matins, je vais au charbon. Je pense sans m'arrêter, j'ai l'impression d'avancer au Japon. Je fais avec ce que j'ai. Bâti mon usine à rap. Lâche des rimes garage comme d'appel de Zeb. On fait avec ce qu'on a. Fait mal, les textes qu'on crache. On vient avec un pic, une feuille, pour te faire une bombe hache. Une rage indomptable, pour donner les seuls maîtres. Viens, colombe clash, faire un tour ici, c'est le club mère. Les poches vite, je me contente d'une vie d'artiste. Mec, qui est sur beat, on rentre comme des djihadistes. Des rimes de bâtard, j'en ai tout un catalogue. J'ai un conseil, tiens ta langue, sinon tu feras la salope. J'évite les chasses à l'homme, car je peux plus rien garantir. D'entrée, je vous annonce, je connais pas la galanterie. Je connais pas la politesse, plutôt les mauvaises nouvelles. Pas besoin de ton aide, ferme-la et laisse-nous faire. Dédié aux lascars qui n'iront jamais combattre. R2, 1, 3, 2, on avance avec ce qu'on a. Toi, carrière, en 32. On a les douilles cousses pour faire bouger ta tête. Ma clé, ready. Le flow charismatique, on vous empoisonne à part un. Sois carriote, 132. On a les douilles cousses pour faire bouger ta tête. Ma clé, ready. Dans ma ville, ça sent l'ogive aussi, ça sent l'orgie. On ne joue pas, on n'écoute pas, la chance a fini à l'hospice. Nos pistes c'est sans caprice, juste les cendres de la notice. Testos, qu'est-ce qui t'a pris à chaque mot une cicatrice? Et que personne ne bouge, personne ne sera blessé. Si personne ne loupe, il n'y aura pas de décès. Écoute, c'est Mister Marteau, gars, si connaît le single. On fait avec ce qu'on a, un crack au Benny Siegel. Et dans ma zig, c'est l'expression d'un mode de vie socialement violent. Les dessous de Paris Nord ne sont pas affrimolants. On aurait préféré venir dire que les choses avançaient. Malheureusement, c'est un hongrois qui inspire le rap français. GLC le plus mauvais, au plus emblématique. Prends ta carte à l'EMP si tu veux stopper. Mon autoprod ne blanchit pas l'argent de la drogue ou du recel. Avec les moyens du bord, elle bat de ses propres ailes. Attention, ouais c'est encore la rue qui chante. Et ça fait mal quand glisse notre talent dans ta fente. Gouvernement qui nous oblige à faire avec ce qu'on a. Canage de tram, moi je parle pas avec ces cons-là. Leur but du jeu, c'est de nous mettre des bâtons dans les roues. Et parfois notre réponse finit en numéro d'écrou. Les moyens du bord, on les connaît depuis la naissance. C'est une technique que je pratique maintenant avec aisance. Toi carrière, on a les douilles pour faire bouger ta tête. Ma clé, ready. Le flow charismatique, on vous empoisonne à part un. Sois carriote, 132. On a les douilles cousses pour faire bouger ta tête. Le flow charismatique, on vous empoisonne à part un. Et ça casse les gommes, tu connais la réplique. J'suis pas un arriviste, j'veux faire du bifou comme la réplique. C'est notre nouvelle opus, le poids plus robuste. On fait avec ce qu'on a, on s'en tape, nous de plaire au but. Disons moi j'rappe, même quand j'ai trop la flemme. J'suis un homophone parce qu'il y a trop d'appels. J'préfère kicker la prod à flemme. C'est pas de notre faute si vous préférez nos voix. Peut-être qu'à notre mort, on sera pas regretté comme Pierre Bérégovoy. C'est du D.O. sur le cristal de Zakaga. Parfois de dalle, quand qui t'a le bras. On fait avec ce qu'on a. Ouais, y'a pas de psychodrame. Pourquoi tu t'excites comme une tasse derrière une webcam. J'clame que c'est le moment tout ça folle. J'ai le rap, ça que la grippe, t'as tout fashion. Tu trouves que ça sonne, mais ça change pas les règles du jeu. Des choses peuvent couler un homme, sa langue et sa gueule. Les yeux dans le vide écorchés vifs et les poches percées. À quelle vie c'est la chute libre, le chétane vient nous bercer. On s'accroche aux racines pour garder le moral. J'ai de la poussière dans le vide, mais des flammes dans les cordes vocales. Quartier fédéral, c'est ma horde. Mon équipe, la dream team, la rythmique, je vais la mordre. Sensible et pensif, les gens s'y vont sans durer la vie. Poto, apprendre à grandir ensemble.